Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? C'est la chance au courage! Bonjour et bienvenue à La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Mon nom est Mathieu Plante et cette semaine du francophone, on a Soprano avec Puisqu'il faut vivre, mais on commence par le nouvel album qu'on vient toujours de recevoir de Plasticine. Il s'appelle LP1. C'est des filles qui ont beaucoup de succès assez fou depuis quelques mois. On va entendre pour l'instant un petit classique du bon vieux temps. Voici leur pièce Loser à La Chance au coureur, assez fou 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Tu acceptes. je n'attends que toi. Tu grimpes à l'échelle pour attraper loi. Je ne suis peut-être pas celle que tu crois. Je perds, perds, perds contre toi. Plasticine avec la règle du jeu de leur nouvel album LP1. Ici, à la chance au coureur, parlons de plasticine un peu. Et les plasticines ont compris que les longs discours ne pourraient jamais calmer la brûlure éternelle d'un éclat rock en plein cœur. Le rock n'attend pas d'autorisation avant de déferler, cavalcade entre insouciance, jeu de l'amour et air moqueur, l'arrogance de la jeunesse défile avec hargne et bravoure et sens de la mélodie entêtante. Camarades du lycée de Saint-Cyr-l'École, elles branchent un jour leur guitare. Cathy et Marine grattent quelques accords. Zazie connaît des rudiments de batterie. Louise, rencontrée au concert des Libertines, se pointe ensuite avec sa bass. Les plasticines existent. Leur premier album LP1 est un disque au présent, un jeu de mots sur long playing, signifiant longue durée, et un rappel des albums courts faits de singles dans les années 60 et 70. Cathy, Marine, Zazie et Louise ont réussi. Elles sont à la fois rock et pop, rageuses et aériennes. Elles chantent leur existence tout de suite, maintenant. En 13 titres, 28 minutes et avec beaucoup de force et d'identité, on croise les Kinks dans un club prêt à exploser. Blondie, les B-52s, les Strokes, les Ronettes, Patti Smith, les Ramones et les Libertines. Les quatre jeunes filles foncent tête baissée, le sourire jamais facile. C'est quelques phrases de leur document de presse. Donc, plasticine, qui seront aux Francofolies de Montréal. Si vous écoutez en direct le vendredi matin, ce sera ce soir à la zone Molson Drive, ce soir 27 juillet. Et ils vont être demain, le samedi 28 juillet, au Spectrum avec un des groupes que j'aime beaucoup en ce moment, Call Me Poupée. Plasticine, l'album LP1 est sorti le 17 juillet dernier. Maintenant, ça va entendre une troisième pièce tout de suite. Voici la première de l'album. Elle s'appelle Alchimie à la chance. Sous-titrage Société Radio-Canada. bicyclette, Zazie fait de la plasticine, la formation plasticine avec l'album LP1 à la chanson coureur. Je vais continuer de lire quelques extraits de leur biographie, leur document de presse. Grésillement, se jeter, quelques reprises, comme toujours, la technique manque, pas l'envie. Voilà ce qu'est exactement le rock, la capacité à privilégier l'instinct et la performance. Le rock n'appartient à personne et par définition ne meurt jamais. Change parfois de nom, juste histoire de se moquer des gardiens du temple. Les premiers témoins parlent des Ramones. Les filles jouent vite, ne dépassent pas les 2 minutes par charge, enchaînent les morceaux sans attendre. On les dit jolies, que les garçons rougissent au premier rang. 4 visages d'anges pas innocents, un look tranquillement ce qu'il faut, un détachement de lycéennes qui ont préféré l'électricité aux études. Quelques petites phrases qui représentent leurs pièces. On a entendu tantôt alchimie, c'est le rapprochement des corps et des âmes, les particules qui se percutent à très grande vitesse. Zazie fait de la bicyclette, une balade faussement naïve qui dévoile une nervosité ensoleillée. Loser, single imparable qui donne envie de voir les plasticines sur scène. La règle du jeu ne s'en fixe qu'une seule, 1, 2, 3, 4. La prochaine pièce qu'on s'en va entendre s'appelle Shake Twist Around the Fire. Hein? Shake Twist Around the Fire. Et donc, avec ses cœurs et ses clins d'œil provocateurs, est un appel à l'abandon. Les plasticines n'ont pas encore 20 ans. Yes, future, everything is under control. Donc, encore une fois, l'album de Plasticine LP1 est en magasin depuis le 17 juillet. Et tout de suite, les voici avec Shake, Twist Around the Fire. À la chance, au courage. Shake, shake. Twist Around the Fire de Plasticine à la chance au coureur. Je vous rappelle qu'elles sont en spectacle ce soir, vendredi 27 juillet, à la zone Molson Dry au Francophonie de Montréal et demain le 28 au Spectrum avec Call Me Poupée. Tout de suite, voici une autre, je crois une dernière pièce parce qu'à un moment donné, ça en fait comme 6. Voici tout de suite Lost in Translation à la chance au coureur. C'est vrai qu'elles sont courtes leurs pièces. I am lost in translation. Plasticine avec Lost in Translation de leur nouvel album LP1, c'est en magasin maintenant. Pour plus d'informations, allez voir le myspace.com/plasticine. On passe au dernier album de francophone. C'est l'artiste rap Soprano avec l'album Puisqu'il faut vivre. Voici la pièce Donc, l'introduction suivie de Le Divan. C'est la chance au coureur. Bonjour, monsieur Soprano. Bonjour. Entrez et asseyez-vous, je vous en prie. Ici. Ok. Je suis très contente de vous voir. J'ai étudié votre dossier. Vous êtes quand même quelqu'un de très spécial. Hein. Mais je vais vous laisser parler. Je suis pas très habitué. Vous voulez que je dise quoi? Bah, dites ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête. Le mieux, c'est que je me présente, je pense, non? Oui, ouais, bonne idée. C'est un bon début. Je vous écoute. Avec des rêves, pour les défendre j'ai mis des gants de boxe sur mes lèvres. Trop souvent dans les corps des mal en point. Aujourd'hui je cherche le chaos avant que mon pessimisme mène au point. J'ai pas la pointe pour payer les erreurs de l'homme, ni le shampoing pour les poux à la tête du monde. Je suis qu'un homme qui ne croit plus en l'humain, car l'homme s'aime d'un amour israélo-palestinien. Mon nom c'est Soprano, l'alter ego de Vincenzo, Tia Style et d'Alonzo. V'là un scoop pour les langues de pute, même le vent poupe. Je suis né pour mourir avec mon groupe, rien à foutre. Moi du bling bling, de ces femmes en string, de qui a un gun, de qui est le king. Moi je veux pas qu'on m'idolâtre, j'ai trop peur des flammes, prends pas mes rap pour des sourates. Mon rap à la liberté de Florent, le silence de Florent serait, et ne sort pas du cours Florent. Te mets au courant, des tensions qui poussent les jeunes à être survoltés. Pour s'y être des bounas, j'fais une doura pour ses parents, qui lâchent des torrents. Là mon rap c'est pas une agression mais une main courante. Mais malgré ça, personne nous tend la main. Donc pour les miens, je suis venu mettre ce que Icar avait entre les mains. Je suis pas venu en treillis, ni en traîneau, ni t'entraîner à traiter le pays de traîner. J'ai pas le créneau du rappeur gangsta, ni celui de la barrière qui chante sous extra. Excuse-moi si je n'ai pas les clichés de ces rappeurs que t'aimes tant médiatiser pour que le peuple français soit effrayé. Excuse-moi de me servir de mon bulletin et d'avoir des graines pour que les colons bouffent à leur faim. Combien de jeunes sont dans mon cas, dépressifs et défaitistes, vont en cours sans savoir pourquoi. Combien ont déjà pensé au suicide? Enseigne-toi et tu verras que ton fils est dans un sale état. Voilà ce que je suis, un enfant de Madame France qui n'a que le mic pour dire qu'il existe. Comme vous voyez, je n'ai rien d'intéressant. Je ne suis qu'un jeune de plus qui rappe sur un divan. Je représente. Je représente. Soprano avec l'album Puisqu'il faut vivre, la pièce Le Divan. Et je crois qu'elle représente.

Moi, je veux bien. Nous t'écoutons. Bonsoir, je m'appelle Mélanie. Bonsoir, Mélanie. J'ai 26 ans et je suis mélancolique aussi. Je suis de ces jeunes filles qui haïssent leur vie. Artistes malgré moi parce que les psys ont failli à leur titre. Depuis toujours, le mal de l'encre me démange. L'amour me manque mais me dérange. Alors je chante mes cicatrices. Jeune fille vide qui départ de l'exomile. Peu exotique comme un... Hey, un album concept rap, c'était ma foi excellent. Est-ce que cette thérapie de groupe vous a aidé à soigner votre mélancolisme? Franchement, ça m'a fait du bien. Le fait de voir que j'étais pas tout seul et le fait d'en parler en plus, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Beaucoup, ouais. Vous avez compris pourquoi vous étiez tombé dans la mélancolie? Vous savez, le monde, il est tellement fou. Les gens n'ont plus de valeur. Il y a plus de gens. Je vois beaucoup de gens autour de moi qui touchent le fond et beaucoup de gens autour de moi qui n'ont plus rien à perdre, quoi. Ça me fait peur, tout ça, quoi. Ça vous fait peur? Ça me fait vraiment peur. Car il n'y a pas plus dangereux qu'une personne qui n'a plus rien à perdre. Au retour, on passe à la musique canadienne avec Dan Mangan, Attack in Black et Gagné à la chanson coureur. On commence le bloc de musique canadienne avec l'artiste Dan Mangan et l'album Postcards and Daydreaming. La pièce s'appelle So Much for Everyone. Tantôt, on écoutait un petit peu de rap. Je rappelle le nom de l'artiste, Soprano, avec Puisqu'il faut vivre. J'ai quelques commentaires négatifs, donc je suis désolé si vous n'aimez pas la musique. Et bien, si vous voulez nous faire des commentaires, appelez-nous au 819-376-5183 en direct en studio le vendredi matin. Tout de suite, voici Dan Mangan et So Much for Everyone à la chance au coureur. Much as I like to go to places I've never known, scared shitless to leave home, and I don't want to go alone, and I miss the rewarding gaze. A friend from my younger days. Didn't mind about my selfish ways. As he died, I was miles away. And I hope he remembers how, as I do when I look back now. Though he'd bark at the slightest sound, would not bite for he knew not how. Less embarrassing after the day is done. on the run. So much for everyone, so much for everyone. The showdown is endless here, under burning sun. Eyes roll towards me now, I will drop my gun. I will drop my gun. I will drop my gun. Drop my gun. Postcards and Daydreaming, la pièce So Much for Everyone à la chance au coureur. Mais qui est ce Dan Mengen? Ça dit que c'est son premier album, premièrement. À l'âge de 7 ans, Dan Mengen avait un premier but, c'était de mémoriser et réciter le side B de Abbey Road. Bon, petit crochet à côté de ça. À l'âge de 17 ans, c'était d'enregistrer son premier EP, petit crochet. Et maintenant, à l'âge de 24 ans, c'est d'entrer dans les stéréos des amoureux de la musique partout dans le monde. Donc, son plan d'attaque, sortir son premier album Postcards and Daydreaming le 10 juillet dernier et faire des tournées. Faire beaucoup, beaucoup de spectacles. Voilà, c'était son objectif. Il a déjà collaboré avec l'artiste de Spoken Word, Shane Coixon. Il a performé avec Ivan Coyote et le nominé au Juno Award, que vous connaissez peut-être, DJ Champion. Ça vous dit peut-être un petit quelque chose à peine. Il a aussi passé à XM Satellite Radio, à l'émission de Verge, où sa pièce de 7 minutes qu'on vient d'entendre, So Much for Everyone, est devenue la quatrième pièce la plus demandée en juillet 2006. Dans le post-temps. Son premier vidéoclip est le single Journal of a Narcoleptic, qu'on s'en va entendre, sorte fin juillet, et puis il va faire des tournées partout au Canada en 2007. Les dates sont annoncées plus tard. Postcards and Daydreaming est le nom de l'album. Et si je vais voir sur son MySpace, au myspace.com/DanMengen, je peux voir qu'il va être en spectacle en Colombie-Britannique, en Australie et puis en Ontario. Donc il y a quand même beaucoup de place. Si vous voulez voir le vidéoclip, allez voir, je crois, oui c'est ça, il est là-dessus, le journal de Journal of a Narcoleptic, la vidéo de ça. Le journal, plutôt le magazine, je sais pas, NME, dit « Ce chanteur folk a peut-être seulement 23 ans, mais il chante avec le soul de l'âme, de Woody Guthrie, si Woody Guthrie avait écouté Godspeed You Black Emperor. » Donc, c'est ce que ça dit sur son MySpace. Il y a aussi le danmengenmusic.com. Mengen, c'est M-A-N-G-A-N. On s'en va entendre, comme je le disais, Journal of a Narcoleptic. Et après ça, on écoutera un autre album, celui de Attack in Black, qui s'appelle Marriage. Ça a l'air plutôt intéressant. Donc, restez avec nous à la chance au coureur. L'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous, on les reçoit, on les trie, on les diffuse. C'est la chance au coureur. Room will stay just as it is now for quite some time. bottle stench, maybe here to stay, but you know we had our fun. Keep waiting, keep wasting my time. Avec Journal of a Narcoleptic, l'album s'appelle Postcards and Daydreaming. Maintenant, on passe à Jack in Black, l'album s'appelle Marriage, et voici Come What May. And I really hope that you're believing. empty hole, like a thousand stories begging not to go untold. That in the light's a hidden dream for our shallow lives. To be a piece of nothing more than your lips. Na na na na. Na na na na. Na na na na. Na na na na. Na na na na. Young Leaves de l'album Marriage de la formation canadienne Attack in Black à la chanson courante à CFO 89 FM. Donc le 31 juillet, Attack in Black de Welland dans l'Ontario vont sortir leur album Marriage, qui est une collection de 12 pièces avec infusion folk. Mais c'est des chansons qui fusionnent, selon eux, le soul du old school rock and roll avec le corps du modern day punk rock. Donc même si le son de Attack in Black, continue leur document de presse, même si le son de Attack in Black pourrait au départ ressembler à d'autres formes populaires de punk rock, ce serait pas correct de simplement catégoriser le quartet comme un band de punk rock. Non, parce qu'évidemment, chaque artiste se dit original, différent, unique, et c'est impossible de les étiqueter. Hein? Donc, au printemps 2006, Attack in Black ont signé sur Dine Alone Records. C'est ceux qui s'occupent de City and Color, Bedouin Soundclash, The End, Walter Schreifels et Black Lungs. Même s'ils ont cultivé, même s'ils cultivent toujours une carrière musicale plutôt jeune, donc c'est sont tout nouveau. Attack in Black ont déjà eu l'opportunité de partager la scène avec des groupes tels que Alexis on Fire, Propagandhi, Monin, Sparta et Death by Stereo. Donc voilà pour leur description. Si vous voulez aller entendre des pièces et avoir plus d'informations sur Attack in Black, allez voir le www.attackinblack.com ou encore le myspace.com/attackinblack. Leur site web sont en lien sur le site officiel de l'émission. Le site officiel, sanctionné par moi-même. Le www.unechance.com, le unechance.com. Tout de suite, voici une troisième et dernière pièce de Attack in Black, The Love Between You and I. À la chance, au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales à CFO 89.1 FM. Fade The Love Between You and I de Attack in Black à la chance aux coureurs. Leur album s'appelle Marriage. Tantôt, j'ai oublié quelques petites informations. Je voulais vous dire les membres du band. Daniel Tavis Romano à la guitare et la voix. Ian Andrew Romano à la batterie. Spencer Arthur Burton à la guitare et la voix. Et Ian Daniel Keogh à la bass. Avoir deux gars qui s'appellent Ian. J'imagine qu'ils doivent utiliser leur deuxième nom. Hein, sinon, ça devient difficile. Hein. Donc, encore une fois, l'album, c'est Marriage. Ça sort le 31 juillet. Qui s'en vient juste là. Juste là. Prochain album, un autre Canadien. En fait, c'est le dernier album de Canadiens qu'on a reçu. C'est la formation Gagné avec leur album éponyme. Gagné, G-A-G-N-E-R. Leur site web est au gagnesucks.com. J'adore ça. Gagnesucks.com à la place de tout le temps nom du band Rocks. C'est tout le temps ça. Donc, Gagné, voilà, on s'en va entendre la pièce de Golden Boy tout de suite. On parlera d'eux tantôt. À la chance, au coureur, à la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est Fou 89.1 FM. I'll bust you in your mouth. So it's 5:30 in the morning. My hands on the truck and the cut in the burning. But I have to go off because I'm a chance for burning. My lord and the shopkeeper straight. I'm burning the angel away. I was dying, dying, and I can't explain. But don't need my brain. Don't think I could stand it. I'll go that way. Soon as they stop calling, but my life's in leaving footprints. So 10 noon and 9 in the lines. All bringing my life to the furries. I'm drinking the red dogs on the phone. Steven, and I found this moment in my book. Ah! I could abuse you, and I could feel all the fucking. Au retour, plus de Gagné à la chance au coureur. Deuxième heure de la chance au coureur, tout de suite, voici Gagné avec une deuxième pièce. BRK Saves the Day, maintenant. On the beach in Tofino, from the bell to rock, so I buy pieces of you, like your hair. Yeah. say my triumphs are few and my failures are great. And I've never deserved more than anyone does. So my love, so my love, so my love, so my love, so my love, so my love, so my love, so my love, so my love, so my. Hey, c'était quelque chose d'autre, ça. Gagné avec BRK Saves the Day de leur album éponyme à la chance aux coureurs. Parlons un petit peu de ces gagnés avec leur, ce qu'ils appellent, document de presse satanique. Je vais lire, c'est une histoire, je vais essayer de faire de mon grand possible pour faire de la traduction simultanée pour malentendants. Donc, gagné de Peterborough en Ontario ont récemment été comparés à des numéros tels que Ween, The Butthole Surfers et Primus, le power lead guitarist lieutenant-colonel Artemis Green, joué par Matt Jarvis, n'est présentement pas certain de ce qu'il veut écrire dans son document de presse. Heureusement, juste à côté de lui, est l'insano drum wizard Crazy Dr. Finkelstink, joué par Drew Demers, qui lui rappelle de leur nouvel album fraîchement pressé, qui est en vente maintenant sur www.gagnersocks.com pour le prix démoniquement en bas de seulement 7$. Alors là, le Mysterious Robo Bass Entity, connu sous le nom de L'Armoire, joué par Pete Binstead, lui passe le message sacré que l'ultime power trio de gagné sera cet été sur le Eastern Seaboard du Canada. C'est-à-dire en l'Est, là, proche de l'eau, là. Bon. Donc, ils étaient à Montréal très récemment le 19 juillet au Café Lascaux Griffe et à Québec le 22 au Café Bar La JT. Si vous voulez en savoir plus sur leur spectacle, allez voir leur site web qui est au gagnersocks.com ou en fait, le site est à venir bientôt, mais ils ont un lien vers leur MySpace au myspace.com/gagnernoise. Donc, tout ce que ça dit là-dessus, que c'est un groupe de pop indie du Canada. Et puis que là, les membres sont Pete, B, Drew D et Matt J. Spectacle, tiens, j'envoie quelques-uns à Charlottetown, à Halifax et à Peterborough en Ontario. Donc, pas de spectacle pour le Québec. Mais vous pouvez entendre sur leur MySpace les pièces BRK Saves the Day, John, Lemonade et Nelson. Et comme je suis un grand fanatique de Limonade, on s'en va entendre la pièce numéro 5 de l'album qui justement s'appelle Limonade. Voici gagné tout de suite à la chance. Au coureur. À C'est Fou 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. La radio qui se boit aussi bien qu'une limonade. Ça humecte le couski. Je vais aller boire quelque chose, moi. Chickens up in Mama Caesar. Let's go. silence in the shaft. Over to the sound that's better than the world is happening to girl. It's happening to girl. Gagné avec Lemonade de leur album éponyme. Gagné, maintenant on passe du canadien au punk. Voici June et No Time for Sense à la chance au coureur. Isn't it tragic? Isn't it something? I'm starting to forget how it feels to be alone. A bedroom that could break every risk that I'm willing to take. But don't you dare try to make sense. Don't you dare try to make sense out of me. Spending days on the beat, alone. Don't try to make sense out of me. Spending days on the beat, alone. Don't try to make sense out of me. Isn't it tragic? June avec Tempter de leur album Make It Blur à la chance au coureur. Hein? C'est pas vrai, quand même? Donc, myspace.com/June ou encore tantôt, si vous étiez là. Vous vous rappelez peut-être que j'ai dit, lorsqu'on a écouté l'album de Gagné, que leur site web gagnesocks.com était vraiment génial comme adresse parce que j'ai détesté les groupes qui mettaient tout le temps rock à la fin de leur adresse web. Et bien, June font exactement ça, junerock.com, c'est leur vrai site web. Donc, c'est un groupe de Chicago en Illinois aux États-Unis. Ils font du pop rock. Les membres sont Tim Brennan, AJ Brown, Mark Palace, Mark Suter. Et voilà, et même que sur leur MySpace, ils donnent leur contact sur le logiciel de chat AIM. C'est un peu comme MSN Messenger. Au Québec, on ne l'utilise pas vraiment, mais aux États-Unis, c'est très populaire. Donc, si vous voulez chatter avec eux un peu, tous leurs noms sont là-dessus. Ils vont être en spectacle un peu partout aux États-Unis. Je cherche des dates au Québec et je n'en vois pas. Non, je crois qu'ils ne sont pas au Québec. Mais quand même, leur album Make It Blur est disponible. Et puis, si vous voulez l'écouter, ben, c'est bien pour vous. Moi, je vais faire entendre une autre pièce tout de suite qui s'appelle, tiens, ça me tente d'entendre A Taste, de goûter un peu à cette pièce de June. Et plus tard, l'autre album de punk cette semaine, c'est Ill Scarlet avec All Day With It. C'est ce qui se livrera à la chance. Au courant! À CFOU 89 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. June avec A Taste de leur album Make It Blur. Maintenant, on passe à une autre formation de punk. Ill Scarlet, l'album s'appelle All Day With It. Et voici Who's Got It? À la chance au courant, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous à CFOU 89.1 FM.

Scarlett avec Nothing Special de leur nouvel album All Day With It. À la chance au coureur Ill Scarlett, qui est un groupe canadien, un groupe de Toronto de rock dub punk. Les membres sont Alex Norman, Will Maher, Suave Pior et Johnny D. Ils vont être en spectacle le 12 août à partir de midi au parc Jean-Drapeau pour le Vans Warped Tour à Montréal. Midi est évidemment juste une heure approximative comme ça parce que ça dure toute la journée. Vans Warped Tour, parc Jean-Drapeau, 12 août à Montréal. Voilà, c'est tout. Ill Scarlett, c'est pas mal tous les détails qu'ils donnent là-dessus. Vous pouvez voir sur leur MySpace petite biographie minuscule. Acheter des trucs, évidemment, et écouter des pièces, dont Nothing Special, Who's Got It et plusieurs autres. On s'en va entendre une troisième pièce qui s'appelle Clearer Now de Ill Scarlett. Tout de suite à la chance au coureur à C'est Fou 89 FM, la Radio Campus de Trois-Rivières. Tout de suite, on écoute le nouvel album de Maïs, Korn. Voici Evolution à la chance au coureur. I'm digging with my fingertips. I'm ripping at the ground I stand upon. I'm searching for fragile bones. I'm never gonna be refined. Keep trying, but I won't assimilate. Should we have come far in time? Just evolution. infection, my friend. Disgusting, right to the end. Didn't I know it then? I knew it, I knew it. You're basic, but hard to define. Simple, yet somehow sublime. No, you will strive. Ever Be de Korn. L'album est Untitled. À la source courante, donc Korn est considéré comme le groupe à l'origine du mouvement qu'on appelle le néo-metal, avec Deftones notamment. Le groupe a été fondé en 93 à Bakersfield, à Los Angeles, en banlieue de Los Angeles, donc selon Wikipédia. Groupe forgé à la scène, Korn fait plusieurs concerts avant d'être repéré par Russ Robinson, qui sera leur premier producteur. Korn sort son premier album intitulé Korn de manière quelque peu confidentielle en 94. Suivant des choses, ils ont sorti en décembre 2005 l'album See You on the Other Side, qu'on avait beaucoup apprécié, assez fou, et maintenant ils sortent dès le 31 juillet, l'album Untitled. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'appellent sur Amazon. Je sais pas si... En tout cas, moi, je vois pas de titre en tant que tel sur l'album, donc ce serait logique. Moi, j'aurais appelé ça éponyme. Mais bon, peut-être que c'est pas le cas. Donc voilà, Korn. Parlons un petit peu de leur site web. Tu sais, qui est au korn.com, K-O-R-N.com ou encore myspace.com/Korn. Vous allez pouvoir les rencontrer live, hein, en direct dans un monde 3D virtuel sur le dare.com, T-H-E-R-E.com, le 30 juillet à 20h. Donc, tout ce que vous avez à faire, selon les instructions sur leur MySpace, c'est d'aller télécharger, d'aller sur le site de dare.com, vous créez un login, ensuite télécharger le logiciel, créer votre avatar et avoir du plaisir en explorant le monde virtuel de dare.com. Et puis, le 30 juillet, ils vont être là en personne, live, avec leur personnage animé comme ça. Encore une fois, dare.com, je pense que je l'ai assez dit. L'album de Korn, donc, est Untitled. On s'en va entendre une troisième et dernière pièce. En fait, on pourrait dire que c'est les troisième et quatrième parce que c'est lui, il y a une petite intro au début. Donc, l'intro s'appelle Intro et la deuxième pièce s'appelle Starting Over. Et ça start right now. À la chance au courant, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous chaque vendredi matin à 10h, en rediffusion les samedis et mardis à 14h. C'est ce qu'on appelle communément la chance au coureur. Hour. It's la chance au coureur. Hour. C'est comme le happy hour. On écoute le nouvel album sans titre de Korn. C'était l'intro. Maintenant, voici Starting Over. Restez là parce que plus tard, on écoute un peu de Interpol et de Pet Rewind. À la chance au coureur, c'est fou, 89.fm. We'll be right back. Starting Over de l'album Untitled The Corn. Maintenant, on passe The Corn à un autre groupe alternatif. Voici Pet avec l'album Rewind the Sofa Lady et Cloud 9. À la chance, au courant, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. À CIFU 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. La formation est Pet, l'album est Rewind the Sofa Lady et la pièce est Cloud 9 à la chance au courant, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Donc Pet, P.E.T., c'est un groupe d'électropop de Berlin, Milano, London, au Royaume-Uni. Et leur site web est au pet-music.com ou encore myspace.com/petmusic. Les membres sont André Absegan à la voix, guitare et synthétiseur, Dodo Nkishi à la voix, Stéphania Vaca, a.k.a. Tati V à la basse et la voix, Miss Mono à la voix, clavier et synthétiseur, et Eric Voss à la batterie, une fois de temps en temps, un peu près. Si vous voulez acheter leur CD, c'est sur groenland.com, groenland.com, ou à passer par le inchance.com pour aller directement sur le band, sur le site du band, voilà. Donc, Rewind de Sofa Lady, album qui date de 2006 en vrai. On vient de le recevoir ici. Oh, et je viens de voir que sur le site, c'est mal écrit Groenland, G-R-O-N, et non pas Groenland comme on pourrait penser. Ils ont aussi un album qui s'appelle Player One Ready. J'adore Player One Ready. Mais allez sur leur MySpace tout de suite, au myspace.com/petmusic pour entendre des pièces donc la 9, dont la prochaine qu'on s'en va entendre qui s'appelle Whip My Blue Chip et qui commence maintenant à la chance. Au coureur, à C'est Fou 89 FM, restez là plus tard, on écoute du Interpol. Vous restez là pour ça, va d'abord appeler ça, va d'abord appeler ça. Pillow slips and Spanish planes. Need some more time and tons of champagne. Where's the chip off the old block? Where's the girl singing folk rock? Ooh la la, every joke is a mental strain. Don't know what occurred, but after the Big Bang, Arch was the first word. We're a part of the whole flock. We restart the war clock. Where is my mind and where is my shirt? Pillow planes and Spanish slips. Soak up my air with my blue chips. Pillow planes and Spanish slips. Soak up my air with my blue chips. The machines, don't forget your circle. Cause pillow planes and Spanish slips could soak up your air and whip your blue chips. Pillow planes and Spanish slips. Soak up your air and whip your blue chips. Dans la troisième heure, un petit peu plus de bonne musique avec Interpol, The Chemical Brothers. Il y a un album d'électronique Cosmic Chill Orange. C'est la chance au coureur. Restez avec nous. On commence la troisième heure de la chance au coureur par le nouvel album de Interpol, Our Love to Admire. Voici tout de suite Pioneer to the Falls à C'est Fou 89 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. dirt pile, and I will pray that the soul can take three stowaways. Vanish with no guile, and I will not pay, but the soul can wait. The soul can wait. It broke, I pulled the black from the gray, but the soul can wait. I felt you so much today. Interpol avec Pioneer to the Falls de leur album tout nouveau, tout frais, Our Love to Admire, à la chanson chorale. Donc, Interpol, mais qu'est-ce que Interpol? Personne ne connaît ce groupe. Un groupe de indie alternatif rock de New York, New York. Voilà, alors c'est bientôt Interpol, NYC pour New York City, .com. Ou encore myspace.com/Interpol. J'ai vraiment l'air de vous prendre pour des imbéciles. Paul Banks au lead vocals et à la guitare. Daniel Kessler à la guitare et la voix. Carlos D à la basse et Sam Fogarino à la batterie. C'est un peu ce qu'ils disent d'eux. Et je vais aller me renseigner, voir s'il n'y aurait pas quelque chose de plus intéressant sur Wikipédia, pourquoi pas. Interpol, voilà. Interpol, évidemment pas l'organisme, mais bien le groupe de rock indépendant. Il est un groupe rock donc de New York, USA, formé en 98 à New York par le guitariste Daniel Kessler et le batteur Greg Judy, qui par la suite a quitté le groupe et a été remplacé par Sam Fogarino. Le groupe enregistre quelques singles et EP et fait quelques apparitions dans des compilations. Tout ça pour dire qu'à la fin le groupe a enregistré son troisième album en novembre 2006. Il est sorti le 10 juillet dernier sous plusieurs packages et il s'appelle Our Love to Admire. Donc 13 titres ont été enregistrés, mais seulement 11 apparaissent sur l'album. Les deux autres figureront sur les singles. Avant la sortie de l'album, seulement 3 titres ont été joués en concert. Pioneer to the Falls, The Heinrich Maneuver, qu'on s'en entend tantôt, et Mammoth Pawn Shop. The Heinrich Maneuver est le premier single du troisième album. Il est sorti le 7 mai. Donc, on s'en va l'entendre tout de suite. Pourquoi pas ce single? Et plus tard, on entendra aussi la pièce No Eye in Threesome. In Threesome. Threesome. C'est tellement pas classe comme ça de cracher dans un micro. Tout de suite, à la chance! Au courant! Thank you. kind of fun. Entendre trois pièces de Interpol, leur album est Our Love to Admire. On a entendu dans l'ordre Pioneer to the Falls, ensuite The Heinrich Maneuver et maintenant, ce qu'on vient d'entendre, c'était No Eye and Threesome. Voilà pour Interpol avec les petits animaux sur la couverture. C'est très joli, c'est vraiment très très beau. Donc Interpol, Our Love to Admire, c'est en magasin depuis la mi-juillet. Voilà. Maintenant, on passe à ce qu'on attend depuis longtemps. Ça commence un petit peu comme Interpol. Ça commence à faire un petit peu réchauffer, dans le sens que c'est tiède. C'est plus aussi frais et chaud que ce l'était quand on l'a reçu il y a quelques semaines. On a pris du temps, mais bon. Donc, The Chemical Brothers, on reçoit avec We Are The Night, le nom de leur album. On commence par entendre la petite intro comme ça qui s'appelle No Path To Follow, qui dure environ une minute. On a le temps de dire plein de choses là-dessus. Ça va être fascinant. Donc, The Chemical Brothers, qui s'appelait The Dust Brothers jusqu'en 95, c'est un groupe de musique électronique britannique créé dans les années 90 par Tom Rowlands et Ed Simons, qui se sont rencontrés sur les bancs de la Fac d'Histoire de Manchester. Ils seront un des groupes les plus représentatifs du Big Beat, au même titre que Fatboy Slim ou encore Prodigy. Ils ont sorti un paquet de singles, plusieurs albums. En 95, Exit Planet Dust. En 97, Dig Dig Your Own Hole, Surrender en 99, Come With Us en 2002, Singles 93-2003 en 2003, Push the Button en 2005 et We Are the Night qui est sorti en fait le 2 juillet dernier. Donc à peine un mois de délai de buffer. Je vais vous laisser entendre la fin de cette intro de We Are the Night et juste après, c'est la pièce titre. Vous écoutez La Chance au coureur à C'est Fou 89.1 FM. Thank you. The Chemical Brothers avec We Are The Night, la pièce titre de leur album qui vient juste de sortir il y a à peine un mois, We Are The Night. Et justement, c'était l'intro No Path To Follow. En 2007, cette année, donc la musique des Chemical Brothers va être en vedette dans l'adaptation cinématographique du roman de Irvine Welsh, Ecstasy, Three Tales of Chemical Romance. Dans quelques minutes, on va entendre la compilation Cosmic Chill Orange, mais avant, voici une autre pièce de nos amis de Chemical Brothers, c'est Do It Again, à la chance, au coureur. À CFP 89.1 FM, la radio campus, à Trois-Rivières. Yeah. The Chemical Brothers à la chance au coureur. On vient d'entendre la pièce Do It Again, la cinquième de leur nouvel album We Are The Night. Plus tard, restez avec nous parce que ça va être vraiment, vraiment génial. On a reçu l'album Mashed. C'est une compilation de différents artistes qui prennent deux pièces de deux artistes différents. Et les mixent ensemble, les mashs font un genre de mash-up. Donc on va entendre tantôt Blondie versus The Doors. Ça va être génial. Mais pour l'instant, on écoute... Ah, c'est fini. La compilation de Cosmic Chill Orange. Voici Xerxes featuring Alea avec la pièce Inhale. Et on a le temps un petit peu de parler de ce projet. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est sur le label Electric Dream, qui est un nouveau label basé à Brighton en Angleterre. Et c'est Taj Mahal de France qui s'en occupe. Donc le label produit de la musique qui va du downtempo au psychédélique progressif. The Electric Dream est un projet d'artiste collectif qui présente un concept basé sur une nouvelle technologie visuelle et sonore. Il y a eu jusqu'à maintenant plusieurs albums, 5 albums de leur part, Electric Dream, voilà, si je vois bien sur leur site electricdream.com, Electric avec un K à la fin. Il y a eu Cosmic Chill Red, entre autres, et là on entend Cosmic Chill Orange, n'est-ce pas génial? Donc la pièce s'appelle Inhale de Xerxes featuring Alea. Elle dure environ 7 minutes, donc on se reverra après. Et puis tantôt je parlais de Mashed. Je disais qu'on va entendre Blondie versus The Doors. Et si on a le temps, si on peut se gâter un peu, on va entendre No Doubt versus les Shapeshifters. Ça a l'air intéressant. Il y a aussi Madonna versus Taste of Honey, Moose Tea versus les Dandy Warhols. Ça me tente presque de l'entendre aussi. Eric Prydz versus Floyd, Peggy Lee versus Iggy Pop. Un paquet de choses vraiment géniales. En tout cas, on en parle tantôt. Mais pour l'instant, voici de l'album Cosmic Chill Orange, Xerxes featuring Alea et Inhale à la chance au coureur. la compilation Cosmic Chill Orange, la pièce inhale de Xerxes featuring Alia à la chanson Courant. Restez là parce qu'après la pause, on écoute l'album dont je parle depuis tantôt, le Mashed, où on prend des pièces de différents artistes, on les mixe ensemble. Ça a l'air vraiment bon, j'ai très très hâte d'entendre ça. Et aussi dans la dernière demi-heure, un petit peu de reggae et un petit peu, tout petit peu de rap à la chanson Courant à CFU 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Now, is that any way to behave at a rock and roll concert? Riders of the storm. Rapture Riders, Blondie versus The Doors. Un mélange de Rapture et de Riders on the Storm. Ça vient de la compilation Mashed de chez EMI. Très fort concept, très forte exécution. Donc Mashed est un album de compilation qui est sorti sur EMI le 12 février dernier. Donc très, très, très en retard. C'est un des premiers albums de mash-up complètement légal, parce que bon, les mash-up, ça existe depuis très longtemps, mais légalement, par contre, pas vraiment. La plupart des pièces ont été produites par Mark Vidler, a.k.a. Go Home Productions. Boogie Oogie Music et Orny as a Dandy ont été produits par Léo, par Lou et Placido. Donc, je vais vous mentionner quelques pièces que sur l'album Mash, il y en a 14. Donc, un mash-up de Buffalo Girls et Take Me Out. Ça s'appelle Friends Buffalo et ça me tente vraiment de l'entendre. Ensuite, il y a Madonna versus Taste of Honey, Music and Boogie Oogie Oogie, Missing et Groove Jet, Orny et Bohemian Like You, Let's Dance et Got to Have Your Love, The Passenger et Fever, Flashdance et Money for Nothing, Can't Get You Out of My Head et Blue Monday. Il y a des tonnes, Drop the Pressure et Dr. Beat, un remix de Another Brick in the Wall Part 2. Notorious et Trick Me, et puis Sing It Back et Connection de Elastica, vieux classique. C'est très bon ça, la suite. Ça me tente d'entendre. Je vais changer mes plans. Tantôt, je devais mentionner lesquels que je ferais jouer, mais en fait, du coup, j'ai changé. Voici Malcolm McLaren versus Franz Ferdinand. Un mash-up de Buffalo Girls et Take Me Out. Ça s'appelle Franz Buffalo. C'est de l'album Mashed. Tout de suite à la chance. Au coureur, assez fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Qui, elle aussi, est un mash-up entre le bonheur et l'extase. C'est de même. Connect. We'll be right back. Malcolm McLaren versus Franz Ferdinand avec un mashup de Buffalo Girls et Take Me Out qui s'appelle Friends Buffalo. Ça vient de la compilation de EMI qui s'appelle Mashed. Si vous voulez plus d'informations, allez voir le gohomeproductions.co.uk/mashed. M-A-S-H-E-D.html. Je vous ai mis le lien de toute façon dans les notes d'émission au unechance.com. Vous écoutez La Chance au Coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. C'en était une. C'était très bon. C'est un des finalistes pour Coureur de la semaine parce qu'à chaque semaine, on couronne l'album qui a soit le plus de potentiel, soit qu'on l'a aimé le plus ou soit qu'il n'y a pas grand-chose d'autre de mieux. C'est pas mal les trois critères qu'on a ici à La Chance au Coureur. Tantôt, je vous avais promis qu'on ferait jouer du rap et du reggae. Ça me tente, en fin de compte, d'écouter un petit peu plus de MASH. Je vais être bien honnête avec vous. Donc, on va entendre quelques pièces. Il reste à peine assez de temps, mais je vais quand même passer quelques petites pièces de reggae comme ça. C'est de Prince Fatty. L'album s'appelle Survival of the Fattest. Je vais garder l'album de rap pour la semaine prochaine et on passerait peut-être un petit peu de MASH. Dépendant de qui est le coureur de la semaine, je vais réfléchir là-dessus. Laisse-moi y passer pendant qu'on écoute tout de suite Curious featuring Lil Roy de l'album Survival of the Fattest de Prince Fatty. À la chance! Au coureur! Avec Curious featuring Lil Roy. C'est de l'album Survival of the Fattest. À la chance au coureur, parlons un petit peu de ce Prince Fatty. Prince Fatty, en fait, c'est un groupe qui a été arrangé et rassemblé par le producteur et ingénieur Mike Pelanconi. Récemment, il a travaillé avec Lily Allen pour son smash hit All Right Still. Et donc, ça a été créé pour enregistrer un single édition limitée pour Stussy. Pour célébrer leur 25e anniversaire, Nina's Dance est devenu un succès underground. Donc, il s'est fait jouer à la tonne. Et puis, par demande populaire, M. Bongo a demandé les services de Fatty pour leur suivante, leur prochain, leur l'album suivant, tu sais, qui s'appelle Survival of the Fattest. Pour moi, c'est un petit peu flou dans ma tête comment ça s'est passé, mais quand même. Le son de Prince Fatty est fait pour vous faire brasser des pieds et de toutes les parties de votre corps, comme ça, pour stimuler votre cerveau d'une façon presque jazz-esque, livrée de façon positive, upbeat et organique, funk. C'est génial. Donc, princevalley.com, www.princevalley.com pour le site, ou encore mrbongo.com ou fusion3.com. Tous les liens sont sur le www.unechance.com si ça vous intéresse. J'ai choisi mon courant de la semaine. En fin du compte, j'ai pas choisi MASH parce que MASH est quand même sorti en février. Donc, moi, je voulais vraiment quelque chose de nouveau et je voulais quelque chose qui a du potentiel assez fou. Et quelqu'un qui a du potentiel, c'est certainement les filles de Plasticine avec l'album LP1. On va l'entendre, une dernière pièce de leur part qui s'appelle No Way. Pendant que je vous remercie d'avoir été à la chance au coureur cette semaine et comme à toutes les semaines, je l'apprécie si particulièrement. Je vous retrouve à La Connexion, émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Ça, c'est en direct les jeudis et en rappel les samedis et mardis à midi. Aussi dans les palmarès, c'est fou. Édition spéciale Extended ce soir. Ça me tente de faire ça. J'ai pas demandé la permission. Je le demande maintenant en direct. Spécial de 4h vendredi soir, donc de 17h à 20h. Si vous écoutez la rediffusion des Palmarès C'est Fou jeudi à 14h, ça ne durera que 3h. Je vous retrouve aussi dans la chance au coureur, évidemment, les vendredis matins en direct à 10h. Et en rappel, les samedis et mardis à 14h, toutes les informations sont sur lunechance.com, en même temps que la balado-diffusion, tous les liens des artistes qu'on a entendus aujourd'hui. De la part de toute l'équipe fictive de la chance au coureur, mon nom est Mathieu Plante. Merci beaucoup d'avoir été là. Faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance! Stop calling me baby.